say. Bonsoir, bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Galère. Est-ce qu'on m'entend cette fois-ci en régie? On m'entend mieux? On m'entend très bien. Est-ce qu'on peut monter le retour son des enceintes dans le studio? Ce sera parfait. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Débattons d'Anguirou. Le dernier de la saison 2017, le dernier sur Radio Galère. Ce soir, nous avons décidé de faire beaucoup de surprises avec vous, ma chère Poncherella. Mais ce soir, Poncherella, vous avez décidé d'être extracteur. Oui, voilà, je change de nom pour cette dernière émission, car je suis dangereux dans ma besace, une bonne quinzaine de citations qui vont ponctuer, donc des extractions, voilà, qui j'espère seront tout à fait pertinentes dans notre belle émission. En régie et aux manettes ce soir, on a Coach Luc. Coach Luc, bonsoir. Alors, on ne vous entend pas, mon cher coach. On a le coach Luc en régie. Il faudrait, mon cher coach, si vous voulez bien éteindre la musique qui passe. Est-ce qu'on m'entend? On vous entend parfaitement, mon cher coach. Comment allez-vous? Écoutez, tout va très bien. J'ai juste plein de boutons. Vous avez plein de boutons. Est-ce que j'ai une acné électronique galopante ce soir. Est-ce que vous pouvez éteindre, s'il vous plaît, la musique qui court en ce moment derrière nos douces voix? Et un invité prestigieux pour cette émission Foot Surprise, Foot au dépourvu aussi. Oui. Et cet invité n'est autre que... Le fameux Aldo, bien sûr. Ah, le fameux Aldo, est-ce qu'on l'entend bien, si. Fameux Aldo aussi Aldo de Marseille, bien sûr. Alors, Aldo de Marseille est notre invité, un fin connaisseur du football local. Oh là oui. Et un fin connaisseur musical aussi. Vous êtes ce soir notre spécialiste et le responsable de la playlist. Ah ben, vous ne me mettez pas du tout la pression, merci. Mais c'est pas une question de pression. Vous avez cette faculté de pouvoir rebondir, de pouvoir... Oui, tel un ballon, c'est bien ça. Oui. Tel un ballon. Alors, au sommaire de cette soirée, beaucoup de choses, la littérature, du théâtre et beaucoup de musique. Et mon cher coach, on va commencer par vous. Vous avez préparé pour nous, on va dire, une sorte de pièce de théâtre en trois actes. Et vous nous proposez, pour cette première partie d'émission, de faire ce premier acte. De quoi s'agit-il? Voilà, alors donc c'est pour un petit peu fêter la fête du cinéma. Donc c'est une petite pièce qui évidemment parle de football, qui se passe dans des vestiaires d'une équipe de football, construite à partir d'extraits de dialogues de films. Donc on aura le titre de cette pièce s'appelle Les footastiques frasques folles du footballeur français masqué. Voilà, donc c'est trois actes. Le premier acte, ce sera l'acte X qui s'appelle l'allégorie du vestiaire de Platon. Et donc on a un certain nombre, on a 8 personnages en tout. Donc on a un bruiteur, un narrateur off, un coach, Atem Ben Arfa, le super méchant SM9, le footix philosophe, le faillot qui rêve d'être consultant à la télé, le journaliste sportif à l'équipe. Alors nous sommes bien sûr un petit peu répartis les rôles. Mon cher Manuel, vous serez le bruiteur. Notre extracteur de ce soir sera notre narrateur off, ainsi que Atem Ben Arfa. Notre invité Aldo sera le footix philosophe, ainsi ça lui que va bien. Super méchant SM9. Encore mieux. Et quant à moi, je commettrai le coach Mardeux et le journaliste sportif. Voilà. Eh bien, c'est parfait, coach. Oui, extracteur, un petit mot. Une petite citation, ah, peut-être. Ah, oui, extracté. Voilà, alors on va commencer par André Mauroy qui nous dit « Une belle partie, c'est de l'intelligence en mouvement. Bien plus, c'est de l'intelligence incarnée. » Je pense que... Et Aldo, une réaction peut-être à cette citation? Ah, je suis sans voix. C'est magnifique. C'est vrai que c'est magnifique. Je ne sais pas quoi dire, vraiment. Eh bien, commençons donc cet acte. Alors, je lis sur nos partitions l'acte 10 de votre pièce. L'acte X, en fait. L'acte X. L'acte X, l'acte Y et l'acte Z. Très bien. Alors, je vous laisse donner le titre, mon cher coach, et puis nous débutons. Donc, acte 10X, l'allégorie du vestiaire de Platon. C'était il y a bien longtemps, dans une contrée lointaine, jadis recouverte de forêts. En ce temps-là, l'esprit de la nature parcourait le monde sous la forme d'animaux gigantesques. Hommes et bêtes vivaient en harmonie. Mais les siècles passant, l'équilibre se modifia. Les rares forêts que l'homme n'avait pas saccagées furent alors protégées par des animaux immenses qui obéissaient au grand esprit de la forêt. Oh, c'était le temps des dieux et le temps des démons. Oui, quoi ? Si on joue comme ça contre les nudistes, mais chérie, ils vont nous refoutre une déculottée. Et moi, les gars, chérie, je vous préviens, j'en ai marre de me faire battre chaque année par une équipe de mecs qui ont la kékette à l'air. Oui, enfin, c'est quoi, chier ? C'est savoir se salir, avoir de la merde jusqu'au cou. Travailler sous ses ordres, c'est comme les toilettes. On n'a pas fini tant qu'on n'en a pas terminé avec le papier. Je peux sourire, mais c'est très extérieur. Mon rire moqueur à rien le désarme. Si vous sondiez mon cœur tout baigné de larmes, vous verseriez avec moi un pleur. Faut-il montrer aux hommes l'enfer pour qu'ils croient un peu à leur bonheur ? On est les enfants oubliés des idées de l'histoire, les amis. On n'a ni but, ni vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle, je vous le dis. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour, on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma, des rockstars. Mais c'est faux. Eh oui, c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On a vraiment, mais vraiment plein le cul, hein, je vous le dis. Dio, je vais te le mettre, le suppôt, tu vas voir. C'est comme ça que ça passe, la fièvre du samedi soir. Les médiocres se résignent à la réussite Ils applaudissent les surdoués et les champions. Mais la réussite d'un des leurs, ça les exaspère. Ouais, quoi, capitaine, ça les exaspère. Moi, je lève mon verre à la plus formidable bande de salopards que j'ai jamais rencontrée. Je lève mon verre à un tas d'ordures. Ah oui, des ordures, capitaine, qui m'entourent. Il y a de quoi, une sacrée poubelle. Oh, merci, ma biche, du fond du slip. Merci. Wouhou! Aïe, aïe, aïe, aïe! Caliente. C'est des mecs de la campagne. Les deux seuls trucs qui les font avancer, c'est le fric et la peur au ventre. On induit ça en produisant une iconographie symbolique et en invoquant et en évoquant l'idée d'intimidation. Et de ce point de vue, notre apparence représente une image uniforme de force et d'organisation. Ça, c'est mon ballon. Il y en a beaucoup comme ça, mais lui, c'est le mien. Mon ballon, c'est mon vrai copain. Lui, c'est ma vie. Il faut que je maîtrise mon ballon comme il faut que je maîtrise ma vie. Car sans moi, mon ballon ne sert à rien. Et sans mon ballon, je ne sers plus à rien. Je fais le vœu pour mettre dans le but. J'ai plus de précision. J'ai plus de précision que mon coach qui essaie de me battre. C'est moi qui dois le battre avant qu'il ne me batte. Et je le ferai. Je promets à Dieu de garder cette foi. Mon ballon et moi-même sommes les défenseurs de l'équipe. Nous sommes maîtres de nos adversaires. À nous deux, nous sommes les sauveurs de ma vie, que Dieu m'aide, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'adversaire. Et les trois points. Oh, ma biche, si tu cherches une aiguille dans une botte de foin, ma biche, trouve d'abord la botte de foin. C'est un dicton japonais ou polynésien. Vous me faites songer à ces voleurs qui ne regrettent pas d'avoir volé, mais qui regrettent amèrement d'avoir été arrêtés. Nous ne sommes pas des ennemis, mais des amis. Je vous le dis. Nous ne devons pas être ennemis, même si la passion nous déchire. Elle ne doit pas briser l'affection qui nous lie. Les cordes sensibles de la mémoire vibreront dès qu'on les touchera. Elles resteront en contact à ce qu'il y a de meilleur en nous. Oui, le présent n'est pas simplement le présent, c'est un rappel inexorable. Le lendemain d'hier, l'année suivante, l'année dernière, et tout tard, ça viendra. Oh, j'ai vu ce qui devrait être vu, je serai un témoin. Oh, je serai l'œil de Dieu de cet enfer. Oh, certaines trahisons sont la dernière ressource des justes. Vole comme le papillon, pique comme l'abeille. Eh, vas-y, cogne, mon gars, cogne. Surtout qu'on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Oh, on ne fait pas d'omelette, et en même temps, dans le sport, on n'a pas trop le temps de s'occuper de la bouffe. Oh, putain, j'ai tellement faim que j'échangerai ma grand-mère contre un tic-tac. Et voilà, c'est la fin de ce premier acte de cette tragédie écrite par le coach Lip. Comment est-ce que vous avez trouvé ça, mon cher Aldo ? Surprise totale, je pense, comme beaucoup d'auditeurs qui doivent tourner le bouton dans leur voiture, ils ont dû se dire, mais tiens, qu'est-ce ? Qu'est-ce donc, Estractor, une petite réaction peut-être à ce qu'on vient d'entendre, ou toute autre chose ? Je suis complètement saisi par l'aspect dramatique et puis la diversité en fait des personnages qui commencent à se camper là sérieusement. Mais voilà, après je peux vous donner une petite citation de Sartre. Faites-nous rêver. Qui affirme « Au football, tout est compliqué par la présence de l'équipe adverse ». C'est Sartre qui a écrit ça. Donc je reste en voix moi-même, l'auto. Le fameux Sartre ou Sartre. JP. Ah, JP Sartre. Sartrino. Sartrino, peut-être Sartrino, ouais. Son disciple brésilien. Je me disais aussi. Alors ce soir, pour cette foot surprise, on en a déjà eu une belle avec ce premier acte du coach Luc, foot surprise, foot au dépourvu aussi, nous déplorons l'absence de plusieurs membres du dispositif qu'on va saluer. Blessés et également en plein travail, puisque nous l'avons annoncé déjà depuis quelques temps, nous préparons un grand voyage d'études cet été, un voyage à bicyclette, et j'imagine que le docteur et Dundee sont déjà sur les cartes ce soir à explorer le territoire, c'est pour ça qu'ils n'ont pas l'honneur d'être parmi nous ce soir. Et je pense même que certains sont déjà en train de recoudre leur pantacourt. Ouais, probablement, vous avez raison. Les poches sont ils trouées parfois. Ils lustrent leur peau de chamois. Les poches sont trouées parfois du côté d'Oléron et il est bon de les remettre à neuf. Quant à Brett Sinclair, il est aussi forfait ce soir pour des raisons domestiques que l'on comprend bien. Nous les saluons. Cela ne nous regarde pas, et bien évidemment. Alors, ce soir, nous avons décidé de vous faire quelques belles surprises, chères auditrices, chers auditeurs. Chacun est venu avec quelques sujets et va essayer de surprendre ses collègues autour de la table. Aldo, vous allez bien sûr participer à tout ça, rebondir et puis nous proposer vos musiques. Mollement mais sûrement, bien sûr. Bien sûr. Et bien, je me propose de commencer, si vous le voulez bien, Extractor et coach, avec c'est pas vraiment une nouvelle, mais j'ai observé dans la presse récemment quelque chose d'assez formidable, selon moi, et je propose d'introduire ce petit sujet par un extrait musical que le coach va nous lancer tout de suite, et puis je vous pose une ou deux questions après. Terminer, qui est-ce qui chante cette chanson? Jusqu'à là, vous l'avez reconnu. M. Jackson. Ouais, c'est bien Michael Jackson. Et ce que j'ai. Feu M. Jackson. Oui, feu le Michel. Michel. Et à quel club de foot est-il récemment associé? Voilà la question que je vous pose. Liverpool. Absolument pas, mon cher coach. Michael Jackson est associé à un club de foot? Oui, récemment, dans la presse. Alors, c'est ressorti, c'est quelque chose qui avait été sorti il y a quand même pas mal d'années. Et récemment, on a republié des photos de Michael Jackson qui l'associe à un club de foot français. Ah ouh, alors là, écoute, moi je pensais bien que tu m'aurais dit du patinage artistique, je t'aurais dit oui, mais du foot, là... En fait, je crois qu'il est associé à plusieurs clubs, non? Il me semble qu'il a, dans chaque pays où il passe, il... C'est possible, mon cher coach, vous avez raison de dire ça. Ah, serait-ce par rapport à des concerts qu'il a fait? Dans des stades? Non, ce n'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à une séance de photos qui a eu lieu chez lui aux États-Unis, qui a eu lieu juste après ou quelques mois après la sortie de l'album Thriller, dont est issu le morceau que nous venons d'entendre. Et figurez-vous qu'il a posé sur ses photos avec le maillot de foot d'un club français, un club sud de la France. Ça doit être un club de losers, j'imagine. Montpellier. Non. La paillade, il a posé la paillade. Ah, alors, je l'ai. L'OGC Nice. C'est l'OGC Nice. Bravo, mon cher coach. Bravo, mon cher Aldo. Vous avez l'œil sur mes notes également, donc vous êtes un petit peu... J'avoue, j'ai l'œil vitreux sur ces notes. Ouais. Et oui, Michael Jackson a posé avec le maillot de foot de l'OGC Nice avec un très beau sponsor qui était Olympia Chaussettes. Chouette. Ça devait être dans les années 1982 ou 83. Et alors, je crois que c'est l'équipe qui a reparlé de ça récemment avec une interview exclusive du photographe de l'époque qui ne nous apprend a priori strictement rien quant au fait de savoir pourquoi Michael Jackson avait chez lui un t-shirt maillot de l'OGC Nice. J'en suis à peu près sûr, c'est parce qu'il a joué à Nice dans le stade. Vous pensez que c'est ça? Moi je pense qu'en fait c'est Balotelli et la réincarnation de Michael Jackson. Ça c'est intéressant. Je l'ai pas vu venir, venir et j'avoue que c'est quand on les voit pas venir qu'on se les prend en pleine poire. Balotelli donc serait... C'est bien vu. Il est très Billie Jean quand même. Ouais, il a un truc. My Lover. Bah ouais, il y a un truc. Alors cette news m'a fait penser à quelque chose d'un peu plus ancien encore et je vous propose une nouvelle fois de l'introduire avec un extrait musical que le coach va nous lancer tout de suite. Il s'agira bien sûr pour vous de reconnaître le musicien. Il ne devrait pas être très compliqué, je crois non plus. Bob. C'est Bob. Bob l'éponge. Tim Marley. Alors Bob Marley, mon cher coach, vous avez tout à fait bien répondu à l'énigme de cet extrait, mais Bob Marley a été aussi pris en photo avec le maillot de football d'un club de foot français. Ça se passait, je crois, en 1983. Quel est-il ? Ah ! Sans regarder mes notes, mon cher. Moi, j'allais dire le FC Nantes. Voilà, vous connaissant, j'aurais dit le FC Nantes aussi. Et hein. Vous avez tout à fait raison. C'est normal, il y a une vraie corrélation entre Nantes et Bob. Et je crois, Bob Marley a joué à Nantes, dans le club de foot, mais dans le parc des expositions, l'endroit où on peut accueillir le plus de monde à Nantes. Oui, dites-moi Aldo. Steve Marley a-t-il des filiations avec le fameux Bob, désolé, c'est... Eh ben, c'est une bonne question à laquelle je peux pas répondre, mais... Je crois que peut-être que dans certains magazines, chez certains coiffeurs, il y aurait sûrement la possibilité de... D'avoir des réponses. Des informations, peut-être chez Lorenzo Style, il y aurait moyen On peut aller mener l'enquête chez Lorenzo Style, encore effectivement. Encore une enquête, ouais, si on a... ouais. Et alors, il a demandé, lorsqu'il était à Nantes, de savoir s'il pouvait jouer au foot contre les joueurs du FC Nantes. Et ils organisaient un petit match comme ça, 5 contre 5, Bobby and the Wailers contre 5 joueurs du FC Nantes. 5 clampins du FC Nantes. Clampin, champion de France en titre à l'époque, mon cher Aldo, je vous le rappelle. Clampin un jour, clampin toujours. Alors, troisième extrait, mon cher coach, qui lui fait référence, je vais peut-être être un peu plus compliqué, à une nouvelle qui est parue dans la presse People très très récemment, et qui risque de nous apporter une nouvelle star mondiale, mais cette fois-ci au Stade Vélodrome. Alors, on va voir si ça Alors, se est-ce passe. Qu'on devra deviner quelque chose Vous devez peut-être deviner de qui on parle grâce à cet extrait musical, et puis après peut-être la nouvelle, si vous l'avez découvert dans la presse, vous aussi. Je vais en faire une, mais est-ce que c'est musical ou... Vous allez voir. David Hasselhoff ? Alors, ce n'est pas David Hasselhoff directement. Là. Ça, c'est donc le générique d'alerte à Manu Raphaël. C'est la réponse. Alors baissez la musique, mon cher coach. C'est dommage. J'ai privé de ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est dommage. On aime beaucoup cette chanson de David. Je vois qu'Aldo nous a sorti ses tablettes de chocolat. Oui, Aldo à la classe toujours, bien sûr. Alors Aldo, vous avez la réponse. Bien sûr, Aldo a la réponse. Donc j'ai bien sûr compris que s'il s'agissait de Adil Rami. Alors il s'agit d'Adil Rami, oui, tout à fait. Excusez-moi, j'ai un peu écorché. Alors pourquoi cet extrait de... Parce que Monsieur le croit fricoter avec Madame Pamela Anderson, et si je tout me trompe. Fait. C'est offert une paire de bouées, en fait. Ah, alors voilà. J'avais l'intention de vous prévenir qu'il y avait une contrainte dans cette question, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'éviter toute blague un petit peu salace. Vous remarquerez qu'Aldo Laclasse n'a pas fait de blague salace. Oui, bravo Aldo. En même temps, avec Adil Rami, c'est quand même difficile d'éviter les blagues salaces. C'est quand même de tellement beaux styles. Vous avez raison. Alors oui, expliquez-nous, mon cher Aldo, qu'est-ce qui se passe entre Adil Rami et Pamela Anderson. Écoutez, je ne sais pas plus que les photos que j'ai vues, en fait. Vous imaginez bien, mais écoutez, je pense que ça a l'air de coller. Mm-hmm. J'ai vu les deux photos, les yeux là qui se regardaient, je pense que ça le fait. Alors il n'est pas impossible donc de voir Pamela Anderson au stade de Vélodrome l'an prochain, puisqu'Adil Rami est sur les tablettes des recruteurs Marseille en ce moment. Eh bien alors écoutez, je vais vous dire très franchement, il manquait plus que ça. Voilà, Pamela au stade de Vélodrome. Voilà, là ça y est, la boucle est bouclée, je crois qu'on les a, on a les deux vieilleries qui vont arriver au stade. Parfait. Mais je pense que peut-être que Patrice Evra lui piquera. Si Adil vient avec elle à Marseille. Écoutez, coach, il faudra que vous veilliez à ça pour que le vestiaire reste soudé, que vous veilliez que Evra laisse tranquille la femme à Monsieur Rami. Un mot extracteur, peut-être. Eh oui, quelque chose de peut-être qui va rentrer en écho. Donc Bruno Ekman, qui a écrit Le Footballeur. en 2016, lors d'une interview, donc, le journaliste lui pose la question, d'après vous, qu'est-ce qui incarne le mieux la jouissance pour le footballeur ? Oh. Et il répond, Emmanuel Petit, qui s'effondre après le troisième but contre le Brésil le 12 juillet 1998. Ça doit être l'orgasme absolu, le pied total, la décharge ultime. Je ne sais plus quel joueur disait que parfois la sensation éprouvée en marquant un but était supérieure à celle éprouvée en faisant l'amour. Je veux bien le croire. J'échangerais volontiers quelques dizaines de coïts contre un but décisif devant un stade en transe. Sachant par ailleurs qu'un but décisif devant un stade en transe peut faciliter par la suite beaucoup d'occasions de coït. Voilà. Alors là, j'avoue que effectivement, vu sous cet angle... Où étiez-vous, Aldo, ce soir de juillet 1998 ? Je ne peux pas le dire, c'était vraiment trop indiscret, monsieur. Je ne peux pas révéler, mais... Où j'étais, non, j'étais tout connement en train de travailler comme un con. Ah, voilà, merde. Oui. Voilà. C'est un peu décevant. Oui, c'est décevant. Bah. Écoutez, je sais, Aldo, des fois, est décevant, mais bon, il vous dit la vérité. Pas souvent, rarement. Il était juste en train de travailler comme un con. Mais il était très heureux, et effectivement, il a eu une grosse décharge quand Manuel Petit a marqué. Une grosse décharge, vraiment, je vous jure. Alors, moi, j'ai quand même une question d'ordre personnel qui peut notamment se poser à notre cher invité Aldo, qui... Donc, tous les lundis, l'après-midi, joue au football avec ses amis. Oui, ses amis et parfois quelques membres du dispositif des bâtons d'Anguirou. Voilà, donc si... Absolument. En imaginant que les matchs de ce lundi après-midi donc, sont de l'ordre de la libido, qu'est-ce que ça pourrait bien signifier ? Vous voulez dire les matchs qu'on fait le lundi, dans l'ordre de la libido ? Ah, si le football et le fait de marquer des buts... Me procure vraiment une jouissance sexuelle. Voilà, mais j'avoue, tous les lundis, d'ailleurs je joue au foot le dimanche pour la jouissance, mm-hmm. le lundi pour la jouissance, et j'attends toute la semaine, le dimanche et le lundi, pour la jouissance. Bien sûr, vous ne pouvez pour la pas... décharge, la décharge totale. Votre réputation. Absolument c'est pas. Peut-être ce qui fait que le football est aussi populaire dans le monde. Mais que c'est aussi beau, surtout, je pense. C'est... Voilà, ça rapproche les hommes, ça libère l'amour, en fait. Voilà, je peux vous le dire, effectivement. Vous savez que là, tout à l'heure, quand j'ai marqué un but, je vais l'avouer... Vous avez marqué un but, tout à l'heure ? J'ai eu comme une décharge. Oui, oui, oui. Voilà. C'était un beau but ? Non, un but de merde, bien sûr, mais bon... Un pointard du gauche ? Un but est un but. Oui, oui, il n'y a pas de petit but, comme disait l'autre. Il n'y a pas de petit but, voilà. Coach. Oui, d'après la mécanique des femmes de Louis Calafert, il y a en fait quand l'homme jouit, il paraît qu'il ressemble au Christ. Ah ouais. Bah, il faudrait alors là, écoutez là, elle est bonne celle-là aussi. C'est vraiment une expérience. Le football est en fait une expérience complètement métaphysique. Hein. Ah bah écoutez, je vais essayer de me regarder la prochaine fois qu'il m'arrive ce... Du coup, je me permets de rebondir aussi. Hein, c'est un peu de donc Coubertin a dit le fameux. Dans sa pédagogie sportive. Ceux qui ne connaissent le football qu'en spectateur se rendent difficilement compte de l'effort intellectuel, au prix duquel son plus haut degré de perfection peut être atteint. Des réactions ? Je trouve en tout cas que la plupart de vos citations sont pour l'instant plutôt positives à l'égard du sportif et du football en général. Oui, d'habitude, j'imagine vous auriez pu trouver beaucoup de citations d'intellectuels qui sont à charge contre Umberto ce sport. Eco, des proches. Pour la dernière. Vous avez choisi d'être positive. J'ai une orientation, c'est les restes de Pancharella. C'est tout à votre honneur, ma chère. Extracteur. Voilà, pour une fois, laissons les refoulés de côté, peut-être. Tout à fait. Coach, on va passer à une petite pause musicale. C'est donc notre invité Aldo qui nous a préparé une sélection. Et de quoi s'agit-il pour ce premier morceau, mon cher Aldo ? Alors écoutez, c'est un groupe qui nous vient du nord des États-Unis, qui nous vient de la campagne, qui s'appelait Pontiac. C'est trois frères, déjà c'est important car ils chantent en canon. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Écoutez, c'est un subtil mélange. Allez, je vais aller dans la référence. Ce subtil mélange du Floyd, de Cayeux, de Neil Young. Enfin, c'est toute l'Amérique qu'on aime. C'est beau à pleurer, vraiment, franchement. Eh bien, on écoute ça, mon cher Pontiac coach. Pontiac is the greatest. C'est parti. After you, we've had no. Radio Grenouille 88.4 à Marseille. C'est Débattons d'Anguirou, la dernière de l'année, avec comme invité prestigieux Aldo, Aldo la classe. Aldo de Marseille, vous, oui. Vous avez proposé Pontiac, c'était vraiment chouette. Ah oui, c'était la classe, justement. Vous les avez vus en concert déjà, Pontiac ? Oui, absolument, oui. Ils sont passés à Marseille, hein, les B-Sides, le fameux festival marseillais. L'avait programmé, oui. Voilà, l'avait programmé, c'était énorme, et une fois à Paris aussi, disons-le. Hein. Voilà, c'est... Et il faut le dire, alors par contre, vous savez que vous n'avez pas le droit de mentionner le nom de cette ville dans cette émission, alors... ainsi que le nom de son club de foot. Donc vous nous devez une tournée à partir de maintenant. Ah ben tenez, allez, je vous l'offre volontiers. Mais vous m'avez bien eu, quand même. Oui, bien sûr, voilà. Mon cher. Et c'est le jeu, on essaie de piéger un peu tout mais le monde. Il est bien truandé, là. Voilà. Non, mais c'est beaucoup plus pédagogique, en fait, comme ça. Tout voilà. À fait. C'est le bâton d'abord et après l'explication. Absolument. Extracteur, un petit mot avant de passer au second acte de notre pièce de théâtre. J'imagine, bien sûr, Shankly. Shankly, je sais pas comment Bill, on prononce. Le fameux Bill. Sûrement. Qui est mort en 81, qui nous dit « Certaines personnes pensent que le football est une question de vie ou de mort. Je trouve ça choquant. Je peux vous assurer que c'est bien plus important que ça. » Ah oui, Bill Shankly, piquant. On l'a évoqué plusieurs fois. C'était l'entraîneur de Liverpool dans les années 60, début 70. Et qui a créé plus ou moins ce qu'est le mythe de Liverpool aujourd'hui. Et il vivait vraiment pour le football. Alors on en a parlé déjà mille fois dans cette émission, mais il a dû finir seul cet homme-là, non, avec une façon il était, de. Il était marié, il était père de deux filles. Alors je vous conseille, il y a de l'espoir alors, mon cher Aldo, de lire un livre dont on a parlé déjà plusieurs fois dans cette émission, qui s'appelle Rouge ou mort. C'est un livre de cet auteur de polar David Peace, un Anglais, qui a écrit une sorte de portrait de Bill Shankly dans ce livre-là, et que c'est assez formidable. C'était quand même un très bon gourou et un précurseur du football moderne. Ah, tout à fait. Vous avez raison. En matière de transfert, en matière de moi je d'organisation de clubs, de management, etc. C'est vraiment quelqu'un qui a posé les premières bases du football moderne. Bill Shankly. Et Bill Shankly, c'est un peu le Bielsa de son époque. Voilà, j'ose cette comparaison. Après, on peut quand même un peu rebondir sur sa citation. C'est vrai que finalement, la vie, la mort, c'est des choses quand même extrêmement banales. Le football, c'est un petit peu plus et un petit peu au-delà de la banalité. Je vous remercie, mon cher coach, de le remarquer, parce que souvent, nous sommes décriés, y compris au sein même de cette antenne. Parfois, c'est un peu compliqué d'exister. Non, je blague, bien sûr, Radio Galère nous accueille toujours volontiers et avec grand plaisir. Mais c'est vrai qu'on a souvent besoin de réhabiliter le football, et c'est notre mission à Débattons d'Anguirou, mon cher coach. On passe au second acte, non ? Donc le second acte donc de cette fête du cinéma, les foutastiques frasques folles du footballeur français masqué, donc la suite. Donc là, c'est l'acte Y. Le vestiaire est un vestiaire pour l'homme et les vaches seront bien gardées. Ah oui, alors je dois faire... C'est vrai, le bruiteur doit prendre la parole, mais alors il faudrait qu'il ait un souvenir un peu précis de ce qui s'est passé avant, ce qui n'est pas trop le cas, mais on va... Dans des circonstances que je tiendrai secrètes, une personne dont je tairai le nom m'a dit des choses que je ne peux pas répéter. Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Oh, justement, parce que j'avais menti. Oh, est-ce que vous m'accusez d'avoir menti quand je disais que j'avais menti, ou de mentir quand je disais la vérité ? Notre peur la plus profonde, mon cher chéri, ce n'est pas d'être inepte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. Notre propre lumière, et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier, ne nous servira jamais le monde. Et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit, qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme des enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et mon chéri, si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Et si nous sommes libérés de notre propre peur, mon chéri, notre présence suffit alors à libérer les autres. Il y a trois personnes très distinctes en chacun de nous. Celle qu'on voudrait être, celle qu'on croit être et celle qu'on est vraiment. Les deux premières nous sont très familières. La troisième nous est totalement inconnue. C'est celle-là qui est dans votre boîte noire. Oh, je vais te dire un secret. Ma biche, une chose qui ne t'apprenne pas dans ton temple, les dieux nous envient. Ils nous envient parce que nous sommes mortels, parce que chacun de nos instants peut être le dernier et tout est beaucoup plus beau parce que nous sommes condamnés. Tu ne seras plus jamais aussi ravissante qu'à cet instant. Plus jamais, nous ne serons ici tous les deux. Vous vous égarez dans l'égarement. Vous vous égarez dans l'erreur. Vous cheminez dans le mauvais chemin, je vous le dis, moi. Même si les rois ou les puissants commandent tes mouvements, tu sais quoi ? Tu restes seul gardien de ton âme. Dans la vie, il faut toujours se fixer, se fier aux apparences, capitaine. Quand un homme a un bec de canard, des ailes de canard, des pattes de canard, c'est pas Bobby, c'est un canard. Ce qui est vrai pour les canards, c'est vrai aussi pour les petits merdeux. 100 milliards de mouches ne peuvent pas se tromper, capitaine. Il faut bouffer de la merde, oui de la merde. Multiplie ça par l'infini. Ajoute la profondeur de l'éternité. Oui, capitaine, tu auras beaucoup de mal à percevoir ce dont je parle. Tu vas pleurer jusqu'à ce que tu pleures. Et si tu pleures pas, tu pleures quand même sur ma vie. Oh, bravo, on voit que vous n'allez pas chercher midi à 14h. C'est comme moi, je n'ai peut-être pas inventé le fil à couper le beurre. Mais je ne suis pas du genre à prendre des vessies pour des lanternes. La la la, na na na na na na. La foi, c'est croire en quelque chose. Tu vois, c'est un peu comme une maladie. C'est contagieux. Si tu es en contact avec des gens qui l'ont, tu l'attrapes et ça modifie ton état d'esprit. Et gagner, c'est un état d'esprit. Le courage, c'est d'être le seul à savoir que l'on chie dans son froc. Voilà, capitaine, c'est la majorité en marche. C'est la majorité, laquelle d'abord, capitaine ? Je sais pas, moi. Celle qui pense à la terre et que la terre est plate, capitaine ? Celle qui est pour la peine de mort, capitaine ? Ou bien celle qui met une plume dans le cul parce que c'est la mode, capitaine ? Vous n'êtes pas exceptionnel, vous n'êtes rien. Vous êtes de la merde, dans ce monde de merde. Oh, je n'ai jamais rien fait pour quelqu'un qui ne pouvait me renvoyer la balle. Oh, je veux tout savoir de sa femme, tout savoir de ses parents, tout savoir de ses lettres de jeu, et de ses analyses de runes, et de ses pornos préférés. Oh, je ferai tout ce qu'il est possible pour la battre, parce que ce sale fils de pute ne sera pas le dernier chapitre de ma vie. Voilà, voilà, voilà. Vois en moi l'image d'un humble vétéran de vaudeville distribué vicieusement dans les rêles de victimes et de vilains par les vicissitudes de la vie. Ce visage, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populi aujourd'hui vacante, évanouie. Cependant, cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vantant le vice et versant dans le vicieusement violent et vorace violation de la volition. Un seul verdict, la vengeance, une vendetta, telle une offrande votive, mais pas en vain, car sa valeur et sa véracité viendront un jour faire valoir le vigilant et le vertueux. En vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux, alors laisse-moi simplement ajouter que c'est un véritable honneur que de te rencontrer. Appelle-moi Vaseline. Ne critique pas la masturbation. C'est faire l'amour avec quelqu'un que j'aime. Bébé. Quand vous scrutez une abysse, c'est l'abysse qui vous scrute. On peut trouver du bonheur dans chaque instant, même les plus sombres. Il suffit de se rappeler qu'on peut allumer la lumière. Dans ce monde, c'est binaire. Vous êtes le 1 ou le 0. Vous êtes vivant ou mort. C'est comme les gens qui prennent du fromage pour terminer leur pain. Les autres qui prennent du pain pour terminer leur fromage. Capitaine, je sais pas, moi. Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis. Je lis dans vos yeux la même peur qui pourra saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés, lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Alors nous combattrons pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne vieille terre. Je vous ordonne de tenir Rome complètement à l'ouest. Et voilà, fin de l'acte 2, suspense entier, mon cher Aldo. Je vous ai vu complètement pris par l'interprétation entre comédiens ici dans le studio. Hein. Oui, entre la transe de la chaleur, la transe... Vous m'avez bien eu, je m'attendais à tout sauf à ce soir faire de l'improvisation. Mais vous êtes merveilleux. Extractor. Eh oui, je crois que là je tiens quelque chose de Denis Podalydès qui dit... Je fus surpris un jour, en lisant le compte-rendu d'une bataille napoléonienne, de voir que mot pour mot, le commentaire aurait pu s'appliquer à un match de nos jours. Bah alors là... Sans voix. Bah oui, là, que dire ? Que dire ? Que dire ? C'est... du haut niveau, je... Oui, la Bérésina. Denis Podalydès. Un grand supporter de l'US Versailles, sans doute. L'US Versailles, alors là, on a le droit de dire ça, c'est vrai. Ouais. Mais ça, c'est bien malheureux, mais on a le droit de le dire. Grâce à l'équipe de foot de Louis XIV, on a le droit de dire ça. D'accord. Ou de l'équipe de Bastia, s'il parle de Napoléon aussi. Ouais. On peut le faire. Ben, pourquoi pas. Et puis souvent, les fins de match à Bastia sont comme une fin de bataille aussi, il faut le dire. Hein. Écoutez... N'ayons pas peur de le dire. Non, on n'a pas peur de dire grand-chose à des bâtons d'Anguirou. Mon cher coach, on va enchaîner. Moi, je souhaitais ce soir vous parler un peu d'un sujet grave mais important. Fais-toi plaisir. Direct. C'est, vous n'êtes pas sans le savoir, mon cher Aldo, que notre bonne vieille ville de Marseille est en 2017 la capitale européenne du sport. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ça, mon cher Aldo ? Ça me laisse déjà bouche bée. Mmh. Parce qu'alors Marseille a été capitale de la comment on appelait ça déjà ? De la culture. De la culture, tout à fait. Et là, on devient du sport culture, mais c'est total. De la culture physique, en fait, capitale européenne de la culture physique. Ah mais merci coach, ben, effectivement, c'est vrai que je me disais, tiens, Marseille a changé, elle est devenue beaucoup plus physique, c'est ça, c'est... Mm-hmm. Hein Marseille sort ses Marseilles, ouais. et sort les pecs. C'est vrai, de la culture partout, du physique partout, c'est incroyable. On fait des pompes dans la rue à Marseille en ce moment. Et des packs. Et des packs. Alors en fait, je suis allé regarder, moi je vais un peu me renseigner sur cet événement. Ah mais renseignez-nous. Je vais aller voir sur le site internet de Marseille, capitale européenne du sport. Il se trouve que c'est un événement, hein. Du coup il n'y a pas grand-chose, une suite de... Vous m'étonnez. On dira underground, ouais. c'est très underground. Et ben alors ça ne l'est pas tant que ça mon cher coach, parce que les quelques événements, en fait c'est une suite d'événements labellisés on va dire alors le label justement capitale européenne du sport n'est pas neuf. Il y a déjà eu quelque chose comme 15 ou 16 villes qui ont été capitale européenne du sport. Faites-moi rêver, Kaboul. Ben non, c'est en Europe que tout ça se passe. Mais j'étais pas très loin. Non, pas très. Et Kaboul, c'est au Texas. C'est... Et donc quelques événements ont quand même un petit peu attiré mon œil, notamment le fait que le Tour de France passera par Marseille et sera on va dire hébergé par le Stade Vélodrome, figurez-vous, cette année un contre-la-montre Stade Vélodrome. Vraiment très intéressant de savoir. Alors j'espère que la ville de Marseille du coup ne subventionne pas. Ils vont faire des tours de terrain. Écoutez, bah, j'imagine. On parle de sport ou de drogue ? Parce que vous me parlez là. Désolé. On parlait de vélo, un dérapage, ça existe aussi. Dérapage au dopage. Non, continuez mon cher. Un autre événement m'a beaucoup intéressé. J'espère que nous pourrons y assister. C'est une compétition de natation entre avocats, par exemple, qui aura lieu au Cercle des Nageurs. Et ça, ça a l'air vraiment chouette. Est-ce que c'est une blague ou est-ce que c'est vrai ? Mais non, c'est vrai. Ça a lieu au début du mois de juillet ou fin du mois de juin, je ne sais plus. Je n'ai pas noté les dates, ça m'intéressait pas. Une brasse coulée, donc, pour les... Et oui. Je crois, s'il me semble bien me souvenir, qu'en fait, ça va être un événement extrêmement performatif, puisqu'ils vont rejouer, en fait, dans sa version aquatique, une partie de Cluedo, c'est ça ? Ah ben, peut-être, éventuellement. Qui a noyé Collard, c'est ça ou... Qui a noyé... Ah, oh ! Elle est bonne. Celle-là. Alors, on a beaucoup, coach. D'ailleurs, je vais faire appel à votre mémoire parce que moi, je me suis dit quel dommage de pas avoir pensé à ça, à des bâtons d'Anguirou avant, au début de l'année, et d'avoir proposé nous-mêmes quelques beaux événements pour cette capitale européenne du sport, des événements qui auraient pu être labellisés. Et on a déjà beaucoup pensé à inventer des nouvelles formes de sport et notamment des nouvelles formes de football. Est-ce que vous vous souvenez de quelques footballs comme ça alternatifs ou décalés que nous avons proposé à nos auditeurs? Ben, nous avions en fait pour un peu fêter le championnat d'Europe des nations, imaginé quelques gestes sportifs un peu hors normes. Et moi, j'ai surtout retenu notre proposition d'une variante footballistique urbaine, hein, très très street, vraiment street, du golf. Voilà, où l'idée c'était quand même de taper dans un ballon en quelques coups, hein, de faire des birdies ou des choses comme ça, et de pousser donc un ballon de foot dans un trou qu'on pourrait trouver dans la rue. Donc ça pourrait être une bouche d'égout. On avait pensé aux bouches d'égout, effectivement. Voilà. Très bonne idée, mais elles sont obscures, enfin, elles sont bouchées, les bouches d'égout à Marseille. Hein, Eh oui. Ah ben non, je ne savais pas. Ben oui, regardez, toutes les bouches d'égout sont plus ou moins... En même temps, c'est quand même plutôt pratique, ça nous permet de pouvoir récupérer le ballon. Effectivement, voilà. Coach. Très juste, pragmatique. Bravo, coach. Voilà, après, je ne sais plus, tous les trous qu'on a, lesquels on avait réfléchi, il peut y avoir diverses variantes. Parce que je parle des bouches d'égout, mais peut-être qu'on aurait pu avoir quelques hommes politiques. Ouais. On peut imaginer, mais c'était... Voilà, cette variante urbaine du golf, je pense, pourrait être vraiment très très excitante. Hein. Je pense aussi. Et on avait aussi pensé à un foot boyard, je crois, organisé au Château d'If, une sorte de réinterprétation de la compétition Fort Boyard version footballistique là-bas. Vous voulez dire le ballon de Tombalo, qui c'est qui va le chercher, c'est ça? C'est pas le père Fouras, c'est toi. Quoi. Alors ça arrive déjà sur les stades, hein, vous avez vu, avec les grillages qu'il y a autour, c'est carrément... Ah ouais? Ah oui, c'est ose, carrément, il faut sortir de la prison pour aller chercher le ballon. Quoi, alors, hein. Effectivement, le footballeur, c'est pas mal. Alors moi, sinon, ce soir, j'avais envie de vous proposer de réfléchir à une autre forme de football qui m'a été inspirée par une chanson. Ce football, ce serait le football intergalactique. Je sais que ça va vous faire frémir les moustaches, mon cher coach, vous qui êtes quand même fan un peu de tout ce qui est, on va dire, anticipation surnaturelle et autres considérations... on va dire science-fictionnelle. Et libideuse. Le football intergalactique m'a été inspiré par une chanson. Alors, je crois que le groupe s'appelait Les Muchachos de la Costa del Sol. C'est une chanson qui s'appelle Vas-y Steve, que je vous propose d'écouter. Alors, il ne s'agit pas de football, mais il s'agit de volleyball. Et Steve étant un champion de volleyball intergalactique. L'enregistrement est ce qu'il est, donc je vous propose de parler du texte un peu après parce que je suis pas sûr qu'on le capte tout à fait bien. Steve, C'était Vas-y Steve du groupe, si ma mémoire ne me trompe pas. Los Muchachos de la Costa del Sol, je vais citer l'auteur de la musique qui est Thomas Dagno et l'auteur des paroles Michael Frelon, dit le vétéran. Alors évidemment l'enregistrement ne nous permet pas de capter tout à fait bien les paroles, mon cher Aldo. Je vais vous dire le refrain, c'est vas-y Steve et tu obtiendras la gloire, vas-y Steve par le gain de la victoire. Suivent quelques couplets, c'est bien beau. Sûr, quatre, bah bien sûr c'est très beau. Quatre couplets, je passe assez rapidement sur les deux premiers, on va découvrir que Steve se découvre justement un super pouvoir, un bras mutant, il quitte la famille très jeune. Et il va vivre de sa passion, du coup, le volleyball intergalactique. Il va parcourir l'espace pour jouer de ce sport. Les deux derniers couplets me semblent plus intéressants et je crois qu'ils soulignent plusieurs choses. Je crois que on a plusieurs morales dans cette tiroir. Chanson. C'est à tiroir. Je crois que par exemple, même pour un volleyeur intergalactique, même avec un talent inné, et en l'occurrence ce bras mutant, seul le travail paie pour être au plus haut niveau. Je crois que c'est ce que nous dit cette chanson. Et pour devenir un champion, Steve a dû qui plus est, acquérir à force de travail ce fameux smash ovni qui lui a permis de devenir une star du volleyball intergalactique. Je cite le couplet, sans coups spéciaux parmi les pros, au début c'était pas facile, le smash ovni tu l'as appris et maintenant tu les empiles. Donc voilà, moi je crois que la première morale de cette chanson, vas-y Steve, est celle-là. Pour être au plus haut niveau, il faut beaucoup travailler. Oui, écoutez, c'est une morale qu'on pourrait appliquer à notre bonne vieille terre. Hein. C'est vas-y Steve. Eh oui. Vas-y Steve. Alors moi, je vois une influence un peu, une première influence Didier. C'est ce que j'appelle l'influence Didier de cette chanson Vas-y Steve. J'y verrais plutôt un côté Didier Deschamps. Le travail, la besogne, ne va pas, on va dire, être négligeable. Bien au contraire, au talent inné. Et Didier Deschamps incarne bien ce besogneux qui est devenu le footballeur qu'on connaît. Et puis il avait une coupe intergalactique à l'époque des chats, c'est vrai qu'il y a... Effectivement, une coupe intergalactique. Alors, la deuxième morale, selon moi, de ce texte, c'est que sans adversité, sans combat, le sport n'est pas aussi beau. On intervient dans le quatrième couplet, le fameux placac. Fameux placac qui est... Placac le turbulent. Placac le turbulent, tout à fait. Venu du monde des catcheurs, il est venu avec son service tournant, son service torniculeur. Alors on dit malheureusement, il y a placac. Et moi, j'entends heureusement, il y a placac. Puisque pour que ce sport soit beau, pour que le volleyball intergalactique, il faut que Steve ait des adversaires à sa hauteur. Et placac est là pour ça. Pour un beau match, il faut deux beaux adversaires. Ça se tient. C'est une des grandes leçons de la dramaturgie antique, en fait. Voilà, on est complètement dans la mythologie du sport, en fait, qui s'écrit et qui se dispense comme ça depuis le lyrisme dont nous avons hérité de l'Antiquité. Tiens, coach, je l'avais pas vu venir celle-là, elle est belle. Hein. Alors moi j'y vois du coup une... Pardon, extracteur. Ah oh, bah là je peux pas m'empêcher de... Oui, extracter. Oui, voilà. Lui d'avoir eu, comme on disait tout à l'heure... Une forme de décharge. Oui, une forme de décharge, c'est ça. Bah, je la livre maintenant, hein, c'est mon Ferland. Donc en parlant de l'attaquant, il dit « Il court, il est talonné et il y a en lui quelque chose d'immobile. Ses yeux sont baissés sur le ballon comme sur la page de Virgile dans les Olympiques 1924. » Bah c'est très beau, une fois de plus. Faire rimer immobile avec Virgile, c'est un... Ah mais c'est du haut niveau, je pense que bah lui oui. aussi. Ah hein, mais quand on est poète, on est poète. Mm-hmm. Il a son cacac, je pense. Ouais. C'est ça, hein. Placac. Ouais. Placac. Oui, son placac. Il l'a, ouais. Je pense. C'est pour ça qu'il produit ce genre de... Je pense que pour être un bon attaquant, il faut être beaucoup aimé de sa maman. Ah, il y a une rime. Coche, ce soir, vous nous régalez. Je ne l'avais pas vu venir non plus. C'est la concurrence. Alors pour conclure sur cette chanson vasistive, moi je voyais dans cette deuxième morale une morale plutôt Didier Roustan, le beau jeu, le beau geste, Didier Roustan qui s'opposerait donc à Didier Deschamps dans cette chanson, ce serait un peu les deux forces contradictoires. C'est pour ça que je pense qu'elle parle autant de football que de volleyball intergalactique à mon sens. Après il y a une ambiguïté, il y a l'ambiguïté finale qui est un petit peu contenue dans le refrain. Le refrain, je le répète, c'est vas-y Steve, vas-y Steve, tu obtiendras la gloire, vas-y Steve, par le gain de la victoire. On est quand même aussi dans la culture du résultat. Ce n'est que le résultat, que la victoire qui te fera atteindre la gloire ultime. Bon, la vérité, c'est que Coubertin est bien sympa son truc. Hein, on participe, tu te prends une tôle, 13-0. Ouais, le tout, c'est de participer. Ouais, en attendant, tu te fais chambrer comme un rat mort par toute l'équipe d'en face. Vive la victoire. Voilà. Mort à la défaite. C'est la conclusion d'Aldo Laclasse sur cette partie vasistive dans des bâtons dans Guirou. Je remercie les amis qui nous ont permis de diffuser cet enregistrement un peu sous le manteau, mais enregistrement néanmoins d'une chanson de qualité. Vivement le vinyle. Alors, pour information, je viens de taper en fait dans Google Translate donc une traduction de l'anglais au français, le mot vasistive, qui se traduit par vasiatif. Vasiatif. Voilà, vasiatif. Donc peut-être que le volleyball est très vasiatif. Bah, éventuellement. Alors, il faudrait peut-être expliquer à certains de nos auditeurs et à certains de nos accompagnants ce soir la signification du mot vasiatif. Tu serais en train de dire que nous ne sommes pas assez... Bah, je parle de moi équipés. En premier. Équipés. Je parle de moi en premier. Je ne connais pas la signification. Nous ne sommes pas assez équipés. Si le coach ou ah oui, coach, éclairer sur la signification du mot vasiatif, ce serait... Eh bien, écoutez, vasiatif, apparemment, c'est un mot français extrêmement connu qui n'existe pas. D'accord. Parfait. Chouette. Merci Google. Merci. Alors, pause musicale, l'avant-dernière de cette émission. Mon cher Aldo, vous nous avez préparé un nouveau morceau qui est... Ah ben, il n'en sait rien encore. Oui, le Brian Johnson Massacre. Écoutez, est-ce qu'on a besoin de présenter le Brian Johnson Massacre? Bien sûr, on a besoin de le présenter. Bon, ben alors voilà, ils nous viennent en pour gros nos jeunes, de... nos jeunes auditeurs, enfin. De Californie, écoutez, c'est juste de la bombe. Il y a 29 albums, 29 formations différentes. C'est la sous-culture comme on l'aime américaine, voilà, en fait. Je peux pas vous dire le white trash. Et qu'est-ce que c'est bon. Écoutez-moi ce titre, vous allez avoir envie, écoutez, de... C'est lazy, vous allez avoir envie d'être dans votre canapé, de boire une bière, de prendre votre copine dans vos bras, voilà. I knew the reason why I've gone. Stephen, c'est bien ça, mon ouais, cher. Calé dans son canapé en slip, ça le fait, c'est clair. Il fait très très chaud ici dans le studio de Radio Galère pour cet ultime des bâtons d'Anguirou de la saison 2016-2017. On s'amuse assez bien néanmoins avec Poncharella alias Extractor ce soir, le coach aux manettes et notre invité prestigieux Aldo Laclasse, responsable de la playlist et on le remercie à cet égard ce soir. On va poursuivre cette émission foot surprise, foot au dépourvu avec un atelier choral mené par vous-même Extractor. Eh oui, un petit atelier choral. Oh donc pauvre, et on doit tous chanter, donc c'est ça? Eh oui. Oui, oui, oui. Oh, c'est une petite chanson, une petite ritournelle qui s'intitule « Vive le foot » et qui est extraite de la méthode Bastien, niveau 1, de piano. Voilà, donc la mélodie qu'on va écouter était enregistrée en live, jouée par un petit garçon de 8 ans. À la pendant la guerre musique. Ah non. Non, la semaine dernière. Je peux. Non, le drame réservé à notre fiction. Donc, ce qu'on peut faire, c'est peut-être l'écouter. Je peux chanter. Vous. Bah, on va écouter une première version avec vous toute seule, puisque vous la connaissez. Et puis après, vous allez mener la chorale. C'est tout frais. Encore. Oui, oui, mais. Alors, j'envoie la musique. Allez. Le sport que j'aime le plus. Tu peux relancer parce que ça commence très abruptement. Merci, coach. Superbe. Le sport que j'aime le plus, ce n'est pas la chasse aux puces. Non, il n'y a pas de doute. Pour moi, c'est le foot. Quand ah bah bravo, oui, effectivement. On va la reprendre tous ensemble, je vous le propose. Oui, avec un peu d'énergie. Voilà, avec de la niaque. Aldo, je compte sur vous pour mettre votre niaque. Absolument, vous pouvez compter dessus. C'est marqué animé, donc... Oui, animé. Allez, c'est parti. Ouais. Attention, à 3, 1, 2, 3, 4. Le sport que j'aime le plus... Ce n'est pas la chasse aux puces, non, il n'y a pas de doute, pour moi c'est le foot. Quand mon club manque le but, tout le monde s'écrie zut. Mais quand nous marquons un point, ça fait du tintouin. Bravo! C'est pas mal! C'est pas mal! La situation était pleine! On peut se la faire une dizaine de fois! Que dire? Oui, même! La chasse aux puces, non, il n'y a pas de doute, c'est pour moi le foot! Quand mon club marque un but! Zut. Mais quand nous marquons un point, ça fait du toin-toin. Excellent. Très, très bon. Vive merci, le foot vraiment. Animé. Ouais. Alors, on ne connaît pas l'auteur de cette partition. C'est la méthode Bastien. Vous nous avez dit ça. La méthode Bastien, oui. Si, le nom de l'auteur c'est dommage en bas, c'est écrit WP201F. C'est vrai. C'est sans doute un robot qui a écrit. Ça ne m'étonnerait pas. Que nous venons d'assister à la naissance de la chorale. La chorale de débat dans l'environ, peut-être. Bientôt au vélodrome. On espère. Directement. On espère. Il est temps de retrouver, chers auditeurs, chères auditrices, et inversement, notre fiction théâtrale de la soirée, le troisième acte. Le troisième acte qui s'intitule, mon cher coach... Donc c'est la suite de la suite de la fête du cinéma, les frasques folles du footballeur français masqué. Donc c'est l'acte Z. Les Américains du Sud sont fortiches au ballon, car un terrain de foot est déboisé toutes les 7 secondes dans la forêt amazonienne. Si un problème a une solution, il ne faut pas s'inquiéter. Si un problème n'a pas de solution, rien ne sert de s'inquiéter. Il ne faut donc jamais s'inquiéter. Les scientifiques font des expériences sur les mouches drosophiles, car la structure de leur cerveau est extrêmement proche de la nôtre. C'est déjà dur de pas exister, mais alors que rien n'existe du tout à ce point-là, ben ça fait mal. Pour quelqu'un qui n'était pas fait pour ce monde, j'ai tout à coup du mal à le quitter. On dit que chaque atome de notre corps a fait partie d'une étoile. Peut-être que je ne pars pas. Peut-être que je rentre chez moi. Si un homme croit suffisamment à son destin, alors tout lui est possible. Un homme peut changer la course de son étoile. Je jure devant Dieu que je ne me laisserai pas abattre. J'aurai le dernier mot. Et lorsque ce cauchemar sera terminé, je ne connaîtrai plus jamais la fin, non, ni moi-même, ni les miens. Ni sais-je mentir, voler, tricher ou tuer. Je jure devant Dieu que je ne connaîtrai jamais plus la fin. Écoute-moi bien, mon petit Athème, tu baises les ménagères. Bien. Tu dois avoir le cul qui brille. Mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. C'est moi le meilleur. Tu me sens là ? Tu la sens, ma grosse intelligence ? Tu la sens bien, ma grosse intelligence ? Car le jour de la rédemption est proche. Repens-toi et tu seras peut-être sauvé. Je brille. Contentez-vous de bronzer. Je vais te le mettre, le suppôt de 12. Comme ça, elle passe très vite ta fièvre du samedi soir. Qu'y a-t-il de plus résistant comme parasite ? Une bactérie ? Un putain de virus ? Un ver solitaire ? Une idée ? Plus résistante et contagieuse, une fois que l'idée est installée dans l'esprit, il est presque impossible de l'éradiquer, capitaine. Une idée arrive à maturité, intelligible, elle enracine là-dedans, quelque part, capitaine. Je veux une vie pleine de bonheur, avec une belle déesse déraisonnable, une soupe au lait et un peu de jalousie en accompagnement, plus une bouteille de vin ayant le même goût que l'amour et un verre qui ne se vide jamais. Il n'y aura ni baguette magique ni incantation idiote dans cette causerie, mon cher chéri. Aussi, je m'attends à ce que vous ne compreniez rien à la science subtile et à l'art rigoureux de la préparation des potions. Néanmoins, mon cher chéri, pour ce qui est des quelques privilégiés qui possèdent des prédispositions, je peux leur apprendre à ensorceler un homme et lui emprisonner les sens. Je peux leur apprendre à mettre la gloire en bouteille, mon cher chéri, à distiller la grandeur, et même à enfermer la mort dans un flacon. Éther démoniaque, ça vous fait vous comporter comme l'ivrogne du village dans un roman irlandais. C'est la perte complète de toute capacité motrice, vision brouillée, perte d'équilibre, langue pâteuse. L'esprit se replie avec horreur, incapable de communiquer avec la colonne vertébrale. Ça rend le phénomène fascinant, vous pouvez vraiment vous regarder, avoir le comportement, mais vous ne pouvez rien contrôler. L'homme est libre de choisir, et c'est ce qui fait de lui un homme. Il faut du courage pour affronter ses ennemis, mais il en faut encore plus pour affronter ses amis. Ris, et tout le monde rira avec toi. Pleure, et tu seras le seul à pleurer. Le mal triomphe toujours, car le bien ne peut pas faire de mal. Fils, laisse donc les torchons et les serviettes dans le même tiroir. La vie est plus amusante qu'un peu de bordel. Le bruit qui lui passe par la tête. Les avis, c'est comme les trous ducs. Tout le monde en a un, capitaine. J'ai cru avoir été l'un des hommes les plus détestés de son époque, capitaine. Ce fut longtemps mon chagrin. Oui, je pleurais, capitaine. C'est aujourd'hui mon orgueil, voyez. Je vous présente une complète et totale réaction, capitaine. Mes inculpations étaient totalement sans fondement. Je jure, Bobby. Ne continue pas... Je regrette profondément tout, capitaine. Avec son de mes propos, peuvent avoir causé à la famille. Je m'engage personnellement à ne pas répéter les diffamations sur lesquelles vous... Ah oui, désolé, capitaine. Hasta la vista, bye bye. Hola, caliente. Bon, tout le monde, vous écoutez bien, tout le monde. Tout le monde est avec moi là, tout le monde, mes chéris, chéris. Vous êtes tous tout le monde avec moi. Bon, tout le monde, les ordres sont les suivants. On courtise, on séduit, on enlève, et en quelle urgence, on l'épouse. Chérie, chérie, si je ne suis pas revenu en 5 minutes, attendez plus longtemps. Tout le monde, chérie, chérie, ceux qui sont encore vivants, s'il vous plaît, profitez-en pour aller, pour le rester, et allez-vous-en. Mais attention. N'emportez surtout pas les membres que vous avez perdus. Ils sont à moi. Fin du troisième acte, l'acte Z de cette tragédie. Ça nous a mis en transe direct, ouais. On peut le dire. Ben on a là finalement plus d'une cinquantaine de films cités dans cette pièce. Pour la fête du cinéma, je pense que c'est la moindre des choses. J'en ai au moins reconnu deux, j'avoue. Petite question à notre dispositif. Il existe une fête du cinéma, donc on peut aller voir autant de films pour des prix réduits. À quand une fête du football, on pourra aller voir des matchs pour 4 euros? Oh bah, il suffit peut-être d'aller au stade de Marseille-Consola. Je crois qu'on doit pouvoir trouver des places à prix modique pour aller voir ce fameux club qui doit exercer, je crois, en national ou CFA, je ne sais plus. Sinon, j'ai une solution au bar. Prenez 2 bières à 2 euros, ça vous fait 4 euros et vous voyez un match avec plein d'amis, de supporters et plein d'entraîneurs. Et c'est presque comme être au stade, effectivement. Ah oui, avec des écrans aussi grands que le stade. Mmh. Ah oui, et puis en plus avec, je vous jure, j'ai jamais autant vu dans les bars que d'entraîneurs et de joueurs. Mais tous habillés en survêt, avec des ventres pas possibles et qui disent, écoutez bien, qu'est-ce qu'ils disent ? Si c'était moi sur le terrain, je ferais un carnage. Ouais, mais en attendant, ils sauvent le pastaga et ils font un carnage aussi. Je pense qu'en fait, c'est à cause de cette dimension doctorale psychanalytique qu'on peut trouver dans les bars. Car c'est bien connu, la psychanalyse donc, nous a parlé du stade oral, du stade anal, et évidemment, dans le bar, il y a le stade football. Ah, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Vous ne l'avez pas vu venir, celle-là non plus, mon cher Aldo. Ouais. Et d'ailleurs, Extractor, une punchline pour terminer, peut-être Ce qui me reste dans la besace, c'est assez lyrique, mais bon, je vais vous servir du Rilke. Oui. Sans destin lorsque tu t'élèves, à la fois libre et dirigé, par l'envoi ta courbe s'achève et pointe aux joueurs, yeux levés, soudain le lieu d'un nouveau rêve, pour l'atteindre, ils se font danseurs. Désolé, c'était un bruit que je voulais pas faire. Forcément, c'était d'admiration. Vous quoi, vouliez plutôt faire. Ah ouais, excusez-moi, ça m'a échappé. Désolé, Violator, ça m'a échappé. Vraiment. Ah, ça, c'est l'album de Dépêche. Ah oui, excusez-moi. Alors, Aldo, pour conclure cette émission, j'avais envie de vous entendre un petit peu sur une anecdote dont vous avez le secret. Vous avez 1000 anecdotes croustillantes à propos de la vie en général et à propos du football en particulier. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous raconter quelque chose d'un peu croustillant, d'un peu savoureux. Une anecdote sur votre rapport au football, peut-être. Oh, alors, l'anecdote sur le rapport au football, je ne l'ai pas vu venir celle-là. Eh ben non, c'est la surprise. Non, oui, c'est la surprise. Foot total, surprise totale. Non, je suis toujours surpris par le nombre de Ronaldo qu'il y a sur les terrains. Ah, quand même encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois jouer, alors j'ai 45 ans, je joue depuis l'âge de 4 ans, mais ça veut dire que. Même à 45 encore cet après-midi, vous allez sur les terrains et on dirait que vous disputez mais vraiment la Coupe du Monde. Quoi. On a perdu 5-4 cet après-midi. Le cinquième but a été justement une jouissance, un lâchage de gigot total. Vous voyez, qu'ils ont marqué, c'est vrai que ça fait comme ça. Oh, c'était magnifique. Effectivement, on a perdu, mais que des Ronaldo sur le terrain, je vous jure. Donc c'est une anecdote sans en être une, mais vous avez dû vous l'avez vu. Mais bien sûr. Vous l'avez vu comme moi. Et oui. Moi, je pense qu'en fait, cette multiplication de Ronaldo est ni plus ni moins due à la forte influence et américanisation du monde, l'empire américain comme ça, qui s'est un petit peu dispersé sur le monde après la Deuxième Guerre mondiale, car évidemment, ce sont les vainqueurs qui réécrivent l'histoire. Putain, j'ai pas vu venir. C'est lié, je pense, à Ronald McDonald. Ah, oh. En fait, voilà, c'est les parents, tous les parents qui se sont rencontrés, tombés amoureux ou qui ont fait leur repas de noces dans un McDo. Qui ensuite, forcément, ont appelé les enfants de cet amour, né d'un hamburger et d'une frite, ils ont appelé Ronald en l'honneur de Ronald McDonald, donc Ronaldo. Voilà. Donc ce sont des enfants du Fast Love. Eh bien alors là, j'avoue que ce soir, il y a une chose que j'ai pas vu venir, c'est je les ai vraiment pas vu venir. Aldo, on vous remercie d'avoir conclu cette saison avec nous. C'était un réel plaisir. Ça fait longtemps qu'on essaye de vous avoir sur ce plateau. Aldo vous remercie, mais il est très occupé, et vous savez. Votre emploi du temps de ministre. C'est vraiment... Vous êtes ministre d'ailleurs, peut-être, non? Même pas, écoutez. Ouais. Mais il est tellement occupé, il est demandé partout. Et c'est vrai, bien sûr. En même temps, Aldo ne marche pas, il court. Quelle est votre actualité, Aldo Laclas? Quels sont les concerts que vous allez aller voir, les festivals que vous allez arpenter dans les semaines à venir? Écoutez, tout est passé. il n'y a pas grand-chose qui reste, sauf peut-être si vous êtes du côté de la Varlifornie, oui, vers San Francisco. San Francisco et Los Angeles, c'est vrai. Il va y avoir le Point Q Festival. C'est gratos, on précise. Non, par contre, on rigole, mais on rigole pas. Si vous avez une caisse, que vous avez des potes, que vous voulez vous baigner dans de la vraie eau, sur des vrais rochers, vous voyez, enfin, vous posez sur des vrais rochers avec des arbres qui tombent dans... Magnifique, la Varlifornie. Donc, le 8 et le 9 juillet, sur la presqu'île du Gaou, à une quarantaine de bornes, enfin, une quarantaine de minutes d'ici, je vous le précise, il y a vraiment une affiche très sympathique avec Ride, Kurt Vile, Aniel Katib, Dinosaur Junior, enfin, la totale, quoi, c'est gratos. Au lieu de rester comme des glands à Marseille, écoutez, faites-vous un petit tour de Varlifornie. Je vous ai peut-être pas très bien écouté au début, les dates, vous les connaissez 8 et 9 juillet. 8 et 9 juillet. Juste après le 7. Ouais. Et avant le 10. Avant le 10, d'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, nous y serons peut-être, Extractor. La perspective d'une vraie eau avec des vrais rochers, de la vraie musique, c'est très tentant. Bah oui, et tout ça gratuit. Et tout ça gratuit. Coach, merci beaucoup d'avoir vaillamment tenu les manettes ce soir et on se retrouve la saison prochaine, j'espère. Pour de nouvelles aventures. Pour de nouvelles aventures. On signale à nos auditeurs qu'ils vont pouvoir nous acclamer cet été sur les routes des départements du Sud entre Marseille et Alès. Nous serons en bicyclette. Nous allons essayer de retrouver la trace de Zato, le supporter SDF. Et nous partons d'ici. Alors, coach, dites-moi si je me trompe, le 22 juillet, c'est ça? Alors, pour l'instant, voilà, le départ prévu serait le 22 juillet devant Radio Grenouille. Devant Radio Grenouille, voilà. Ici à la Friche, la Belle de Mai. Voilà, parce que Radio Grenouille a beaucoup plus d'argent que Radio Galère, donc c'est eux qui sponsorisent les pneus, c'est ça? Sponsorisent le pot de départ. Ce sera énorme, il y aura un buffet, de la charcuterie, du fromage. Je croyais les pneus et la selle. Salade de tomates et tout ça, et les pneus éventuellement. Sans doute même un orchestre et des pom-pom girls. Ouais, gogo, j'espère une fanfare, au moins. Extractor, à la saison prochaine. Mais c'est votre première saison dans le dispositif. Quel bilan en tirez-vous? C'était sympa? Je suis d'émotion, mm-hmm. En fait. Ouais. Alors, c'est très sympathique. J'aime beaucoup les surprises, notamment. Hein. J'ai appris énormément de choses, notamment les voix de ce soir. Je suis complètement... Je suis sans voix, voilà. Suer d'émotion, ça c'est vraiment... Je me suis coupé la voix avec cette expression, quoi. Donc j'arrête là, merci. On a tout le cœur, tout le corps qui pleure. Ouais. On espère, ma chère Extractor Ponchorella, vous retrouver l'année prochaine. Aldo, un dernier morceau avant de nous quitter, un morceau de votre sélection. Ah ben oui, tenez, écoutez, John Frusciante, vous allez me dire, mais what is it? Qui c'est celui-là? C'était l'ancien guitariste de Red Hot Chili Peppers qu'il était pendant des années, mais qui fait aussi qui embrasse une carrière solo fantastique. Un très bon loaner, il a été entre guillemets clippé et photographié par son ami Vincent Gallo, que j'adore aussi, qui est un très bon acteur. Voilà, on fait là, le morceau s'appelle Going Inside, et qu'est-ce que c'est beau. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Parfait mot de conclusion, bonne nuit à tous, et puis à la saison prochaine. Ciao les jeunes. Ciao. reside, you reside. There will come a time when time goes out the window, and you'll learn to drive out of focus. I'm you. And if anything unfolds, it's supposed to. It's my will, and I had to consult some figures of the past, and I know someone after me will go right back.